Amateur de sensations fortes, ce qui suit maintenant est pour vous. Il aurait pu s'appeler Jack Nicholson, mais il est né Michel Lamourane. Jamais on lui aurait proposé de tourner dans Shining, car son Amérique à lui, c'est la Seine-Saint-Denis. Nous sommes en banlieue parisienne, à Blanc-Mesnil. Et sous vos yeux, un homme bien de chez nous, Michel Lamourane. À bientôt 51 ans, ce Parisien bon teint est propriétaire d'un ravissant jardinet de 20 mètres carrés. Grand amateur d'herbes fraîches, Michel s'apprête à tondre sa pelouse avant les premiers frimas de l'hiver. Ça, c'est pas mal, ça. L'herbe de Blanc-Mesnil, on a brouté. Pour mener à bien sa petite entreprise, notre jardinier s'est confectionné dans son garage-atelier une tondeuse à gazon d'un genre tout à fait spécial. Et première surprise, le clic hydraulique est ici indispensable pour soulever les quelques 300 kilos de l'engin. C'est en effet la seule méthode pour vérifier le bon état des barres de bois. Si 5 chevaux suffisent habituellement pour tondre du gazon, Michel, lui, s'est lancé dans la démesure en installant sur sa machine un moteur V8 de voiture américaine. C'est un gros moteur, ce qu'on appelle un Big Block Chevrolet, qui était monté dans une Chevrolet Camaro dans les années 69, qui délivre à peu près 370-400 chevaux. Sur ce moteur, on a monté un compresseur, deux carbu 4 corps, qui injecte de l'essence. Tout l'ensemble entraîné environ 500 chevaux, hein. On ne les a pas comptés, mais des chevaux de labour, des vrais. Chevaux en échappement libre, l'engin idéal pour se fâcher avec ses voisins. Mais Michel a su convaincre son entourage du bien fondé d'une mélodie 100% US. Le bruit d'un V8, c'est pour nous, amateurs d'américaine, bon, c'est un petit peu aussi la base. Qui n'a pas le moteur qui ronfle dans les oreilles, le bruit des marais de Louisiane, etc. Tout ça, c'est un tout, le rock'n'roll. L'ambiance, l'odeur, la fumée, vous savez, ça fume beaucoup aussi. Hein. Parce que comme vous l'avez remarqué, là, pour que le moteur soit bien dégagé, il n'y a pas de refroidissement. Et ça marche quand même très bien. Hein. 100 fois plus puissante que les petites tondeuses du commerce, la Man Max de notre jardinier bricoleur est aussi 20 fois plus lourde. Gavé de chevaux, les barres de coupe tournent à plein régime et fauchent sur une largeur de près d'un mètre. L'engin n'étant pas auto-tracté, le plus dur pour Michel, c'est de pousser. Pousser 300 kilos de délire mécanique. J'aime bien jardiner, j'aime bien quand les pâquerettes sortent, là ça donne de la gaieté. Vu la vitesse où ça tourne, ça déchique quoi. Puis après tout dépend de la hauteur de coupe qu'on veut faire. Parce qu'on peut même carrément creuser des sillons avec les larmes, hein, si on veut, il y a la puissance pour ça. Tondre une pelouse de 20 mètres carrés avec 500 chevaux relève sans doute de la démence. Mais Michel n'est pas fou, on vous l'assure, sa seule vraie passion, c'est de cultiver son rêve américain. Ben pour du gazon tondu, c'est du tondu. Et puis... Auto Off.